بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك ونحن في سورة النساء. في قول الله تعالى في المسألة 56 في قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. Donc 56e مسألة dans le sens où Allah عز وجل dit et qui ne cacheront rien à Allah. C'est-à-dire de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont accompli, ils ne pourront rien cacher à Allah عز وجل. سورة النساء verset 42. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيئا يوم القيامة وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقول الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقوله تعالى فعلى قول السلام ما كنا نعمل من سوء وقوله تعالى بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ولم نكن ندعو من قبل شيئا. Donc ce verset, dans son apparent, laisse entendre que les kuffars ne cacheront rien de leurs actes yom al-qiyama lorsqu'ils seront interrogés. Et d'autres versets sont venus s'opposant à cela, comme la parole dans le sens où Allah dit ensuite leur seule épreuve sera que de dire ô par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas des mouchriquins, nous n'avons pas associé. C'est-à-dire qu'ils démentiront le fait d'avoir associé. Surat al-An'am, verset 23. Et ça part dans le sens où il dit, et qu'ils se soumettront, c'est-à-dire qu'ils viendront humiliés, soumis, en disant, nous n'avons jamais fait de mal. Surat al-Nahl, les abeilles, verset 28. Et ça part dans le sens où il dit, qu'ils diront, mais plutôt, nous n'avons rien invoqué auparavant, c'est-à-dire autre que Allah, Azza wa Jal. Surat al-Ghafir, verset 74. Donc là, ces versets montrent que les kuffars démentiront et tenteront de s'innocenter. Qala wajhu al-jam fi dhalika. Comment on lit entre ces versets? Wa huwa ma bayyana ibn Abbas lamma su'ila 'an qawlihi ta'ala wallahi rabbina ma kunna mushrikin ma'a qawlihi wa la yaktumuna Allah haditha wa huwa anna alsinatahum taqulu wallahi rabbina ma kunna mushrikin فيختم الله على أفواههم ويشهد أيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون. Donc la réponse est celle qu'a apportée Ibn Abbas lui-même, radiallahu anhu, lorsqu'il fut interrogé à propos de ce verset-là. Lorsqu'ils diront, les mouchrikoun, par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas des associateurs. Et pour lier avec sa parole dans le sens où il dit, et qu'ils ne cacheront rien à Allah de tout ce qu'ils ont commis. Donc la réponse c'est quoi? C'est qu'en fait, ils démentiront par leur langue, en disant qu'ils n'étaient pas du nombre des associateurs. Et que Allah fera fermer leur bouche, et qu'il fera témoigner leurs mains ainsi que leurs jambes de ce qu'ils accomplissaient. Quand Allah fait quatre mots, « Al-haqqi bi-irtibar al-lisan » ou « Adamu bi-irtibar al-aidi wal-arjul » هذا الجم يشير إليه قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Donc en fait, la vérité sera cachée par leur bouche, c'est ça que le verset veut dire, et qu'elle sera dévoilée par leurs membres, c'est ça que l'autre verset veut dire par là. Et ce verset et cette explication est appuyée par la parole dans le sens où il dit que aujourd'hui, nous allons cloîtrer leur bouche et nous ferons parler leurs mains et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils accomplissaient. Sourate Yassine, verset 65. Donc c'est une réponse qui est claire. وَأَجَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِتَعَدُّدِ الْأَمَاكِنِ فَيُكْتَمُونَ فِي وَقْتٍ وَلَكْتَمُونَ فِي وَقْتٍ آخَرٍ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Et d'autres ulama ont apporté une autre réponse qui disent que cela varie en fonction du temps. C'est-à-dire à certains moments ils vont démentir et à un autre moment ils vont reconnaître et avouer. Ça c'est une réponse qui a été également apportée. والعلم عند الله سبحانه وتعالى سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك